إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit بإذن الله وبعون الله عز وجل l'explication du livre intitulé أحكام مناسك الحج والعمرة للعلامة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة. Donc on s'est arrêté le dernier cours à la fin du chapitre qui concernait l'explication de ce qui était favorable aux pèlerins qu'ils fassent les trois formes qu'on a vues, qu'on a expliquées. Et Cheikh Al-Islam nous avait donc ici détaillé dans ce chapitre quelle était pour la personne, ou suivant le cas de la personne et suivant sa situation, quel était le mieux pour lui qu'il accomplisse parmi ces formes qui sont permises en islam. Ces trois formes, que ce soit al-ifrad, ou al-qiran, ou at-tamattu'. Et aujourd'hui, inshallah, on va donc continuer dans ce nouveau chapitre, et qui va concerner ici an-niya, qui va concerner également la parole que l'on dit au moment d'entamer al-ihram, et ce qui est en relation avec tout ça. C'est-à-dire différentes questions qui sont en relation avec ce sujet-là. Donc, يقول رحمه الله تعالى فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج وإن كان مفردا قال لبيك حجا. C'est-à-dire ici, lorsque la personne, elle est donc arrivé au mawaqit, yani al-miqat, qui est respectif à lui suivant d'où il vient, et qu'il est donc prêt pour son ihram, et qu'il va donc rentrer dans sa sacralisation, alors à ce moment-là, il dit cette parole. S'il est qarinan, c'est-à-dire donc qu'il fait sa umrah et son hajj, en les rapprochant les deux, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il dit labayka umratan wa hajjan. Labayka umratan wa hajjan. Pourquoi? Parce que lui il est qarin. Et donc il va faire sa umra, et après qu'il ait fini sa umra, il ne va pas se désacraliser, il va continuer donc sur son hajj. Donc à ce moment-là, lui, à partir de là, au moment de son ihram, il dit labayka umratan wa hajjan. Il dit donc les deux en même temps. Wa in kana mutamatti'an yaqul labayka umratan. Yaqul labayka umratan, c'est-à-dire lorsqu'on dit bien entendu labayka, cette parole à la baïk, on l'a dit lorsqu'on répond à l'appel d'une personne. Si par exemple une personne te lance un appel, alors à ce moment-là, tu lui réponds, et c'est une forme de politesse, et tu lui dis la baïk. Par exemple, si tu appelles ton enfant te répond et tu dis la baïk, Abi. C'est-à-dire donc il répond. Et ça, c'est la talbiya. C'est le fait donc de répondre à l'appel. On va le revoir, ce terme-là, talbiya, souvent. Donc c'est bien de le savoir. Et lorsqu'on dit talbiya, donc le terme qui en découle, c'est ici labbaik. Labbaik umratan, c'est-à-dire on répond à l'appel d'Allah Azzawajal. Cet appel d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a lancé à tous les musulmans dans son Qur'an. Et donc on répond à cet appel-là en disant labbaik umratan wa hajjan pour ce qui est du al-qarin, ou alors pour ce qui est de al-mutamatti'. Il dit la baïka umratan. Uniquement il dit lui la baïka umratan. Pourquoi? Parce qu'il va, au moment où il est en état d'ihram, il va faire lui une umra. Taïb. Donc il dit la baïka umratan. Et après qu'il a fait sa umra, yatahallal. C'est-à-dire il se désacralise. Parce que lui il est mutamattir. Et donc ensuite il repassera en état de ihram, en état de sacralisation. À ce moment-là il dit la baïka hajjan. Donc lui il n'a pas à dire la baïka umratan ou hajjan. Vu qu'il va se désacraliser et ensuite il va se resacraliser. Donc lui dit uniquement la baïka umratan. C'est pour ça donc qu'on dit uniquement umratan. La baïka umratan متمتعاً بها إلى الحج وإن كان مفرداً يعني يفرد قال لبيك حجاً أو حجة لبيك حجة c'est-à-dire celui qui fait uniquement le hajj sans faire donc de umrah comme on a vu bien entendu lui dit uniquement لبيك حجة il dit uniquement donc le hajj sans prononcer la parole ou sans prononcer bien entendu l'appel pour la umrah donc ça c'est ce qu'on va dire à ce moment-là lorsqu'on passe donc en état d'ihram. Et le shir va rapporter d'autres paroles. Bien entendu, ce qu'on a dit ici, c'est par rapport à talbiya. C'est par rapport donc à la talbiya. Qu'on dise la baik umratan ou hajjan, ou qu'on dise la baik umra, ou qu'on dise la baik hajjan ou hajjatan. Tayyib, ça c'est la talbiya. Par contre, ensuite, il va dire d'autres expressions, le shir. Et je fais bien ici la différence, c'est-à-dire que je m'arrête à ce moment-là, et qu'ensuite je continue. C'est pour bien marquer ici la différence qu'il y a entre les al-ibara, les expressions qui vont être dites. Car cette expression ou ces expressions, il y a des différences entre elles. Ce qu'on a cité auparavant, c'est les expressions qui sont mashrou'a, qui sont légiférées. Qui sont donc légiférées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il était donc qarim, il a fait son hajj en état de qiran, il a dit labayka umratan wa hajjan. Tayyib. Par contre, les expressions qui vont venir après, le shir, il va nous montrer ensuite qu'elles ne sont elles pas mashrou'a. Ce qu'on appelle en arabe at-talaffuz bin niyya, donc le fait de prononcer son intention. C'est le fait de prononcer son intention. Donc ensuite, lorsqu'il va dire shir al-islam, qal aw qal Allahumma inni awjabtu umratan wa hajjan aw awjabtu umratan atamatta'u biha ila al-hajj aw awjabtu hajjan aw أريد الحج أو أريدهما أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة بل ما تلبى قاصدا للإحرام عقد إحرامه باتفاق المسلمين ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء طيب. Donc ici on voit qu'il a ensuite rapporté d'autres expressions qui sont dites par les pèlerins ou certains pèlerins. Et qui est par exemple le fait de dire Allahumma inni awjabtu umratan wa hajjan, c'est-à-dire je me suis obligé, bien entendu on s'oblige d'accomplir la umra et le hajj, ou awjabtu umratan an atamatta'u biha ila al hajj, ou alors donc je m'oblige une umra et ensuite atamatta'u biha, c'est-à-dire donc je continuerai ensuite après elle sur le hajj, ou awjabtu hajjan, ou alors je me suis donc obligé à un hajj, ou uridu al-hajj, c'est-à-dire je veux le hajj, il dit donc je veux le hajj, ou il dit je veux les deux, c'est-à-dire le hajj ou l'umra, ou l'umra ou l'hajj, etc. Donc ces expressions-là, c'est comme si la personne était en train de prononcer son intention qu'elle a en elle-même. Taïb. Donc on voit ici que toutes ces expressions-là, c'est le fait de prononcer son intention. Et il dit tout ce qu'on pourrait dire donc parmi cela, yujzi'u bittifaq al-a'imma, c'est-à-dire que ce sera de toute manière compté. Ce sera de toute manière compté. C'est-à-dire que la personne, par rapport à sa niya, par rapport à son intention, ça sera compté. Qu'elle l'ait dit, qu'elle l'ait prononcé ou qu'elle ne l'ait pas prononcé. Et ça, bien entendu, c'est par le consensus des savants. Mais il dit, laysa fi dhalika 'ibaratun makhsusa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à ce moment-là, une expression qui va être spécial ici, qu'on va dire spécialement ici. Bien au contraire, il va nous dire wala yajibu shay'un min hadhihi al-ibarat bi-ittifaq al-a'imma. Et bien au contraire, on ne doit prononcer wala yajib, c'est-à-dire qu'on ne doit prononcer une de ces expressions bi-ittifaq al-a'imma, c'est-à-dire par consensus des imams. Cela donc n'est pas une obligation que l'on doit prononcer ces termes-là. كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة. De même donc pour ce qui est de at-tahara, pour ce qui est de la purification, ou alors pour ce qui est de la prière, ou alors pour ce qui est du jeûne. Notre niya, on n'a pas à la dire, on n'a pas à la prononcer. Pour ce qui est par exemple de at-tahara, on n'a pas avant de faire le wudu de dire je veux faire le wudu. Ou ou on n'a pas, avant de commencer la prière, de dire je veux faire maintenant la prière du dhuhr, etc. On l'a dit, donc on prononce cette intention. De même pour ce qui est du siyam. Donc on n'a pas à dire ces choses-là. De même pour ce qui est du hajj, on n'a pas à prononcer ces choses-là, c'est-à-dire de prononcer notre intention. Par contre, lorsqu'on a dit labayk umratan ou hajjan, ou l'on a dit labayk umratan ou labayk hajjan, ici on a prononcé la talbiya, c'est-à-dire mulabbi. Et ça, c'est une différence. Ça, ici, donc, c'est une différence qu'il y a à faire. C'est pour ça que le shir, ensuite, il parle bien de ce qui vient après, des expressions qui viennent en réalité pour extérioriser, de par donc notre langue, ce qui est dans notre cœur. Donc, ici, notre intention, notre niya. Pour ça qu'il dit, bal, matalabba qasidan il-ihram, in'aqada ihram, ou bittifaq il-a'imma. C'est-à-dire, lorsqu'il dit, hadith talbiya, parce qu'il dit, labayka umratan wa hajjan, ou labayka umra, et qui a l'intention, donc, de rentrer dans la sacralisation, donc, dans son ihram, pour donc accomplir sa umra, et ensuite son hajj, alors, à ce moment-là, in'aqada ihram, c'est-à-dire que son ihram, il devient concret. C'est-à-dire qu'il passe en état d'ihram, il passe en état de sacralisation, bittifaq al-muslimin. Et donc il n'y a pas de divergence dans cela. Qu'à ce moment-là, il devient muhrim. S'il a la niya donc de l'ihram, et si qu'ensuite il dit cette parole, la bayka umratan, parce qu'on a dit qu'il fallait donc un acte ou un geste qui va accompagner cette niya, pour que donc il y ait une iqad al-ihram, pour que l'on devienne en état donc de sacralisation. Et donc on voit ici que le shir nous dit, il suffisait donc de dire la bayka umratan avec notre niya, de rentrer dans l'ihram, et c'est bon. On est rentré à ce moment-là dans l'ihram. Il n'y a pas besoin de faire autre chose, ou alors de dire autre chose. On est rentré dans l'ihram. On devient muhrim. Et donc ça, c'est important à comprendre. On n'a pas à faire d'autre chose, sinon cela. C'est aussi simple que cela. C'est pour ça qu'il nous dit, wala yajibu alayhi an yatakallama qabla talbiyati bi shay. Donc il n'a pas à prononcer d'autres paroles avant la talbiya. Donc, l'appel. On n'a pas prononcé d'autres paroles. Walakin tanaza'a al-ulama'u hal yustahabu an yatakallama bidhalik kama tanaza'u hal yustahabu at-tarafudu bin-niyyati fi as-salah wa as-sawabu al-maqtu'u bihi annahu la yustahabu shay'un min dhalik annahu la yustahabu shay'un min dhalik fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yushri' lil-muslimin shay'an min dhalik ولا يتكلم قبل التكبير بشيء من الفاظ النية لا هو ولا أصحابه. Donc on voit ici que le shir, il nous dit uniquement les savants, ils ont divergé sur le fait donc est-ce que c'est préférable de parler et donc de prononcer ici un niya, c'est-à-dire donc l'intention, comme est-ce qu'il est préférable de prononcer notre intention au moment donc de la prière. Il va nous dire le shir, c'est-à-dire la réponse à cela, et donc la vérité dans cela, où il n'y a pas de doute, c'est-à-dire que rien n'est préférable dans cela, il n'est pas préférable de faire ces choses-là. Et il va nous faire comprendre, le shir, que c'est bien au contraire bien plus proche de l'innovation de la bid'a. Pourquoi ? Parce qu'il dit, فَإِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُشَرِّعْ لِلْمُسْلِمِينَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم, il n'a pas légiféré pour les musulmans une chose parmi celles qu'on a citées auparavant. Donc le fait de prononcer la niya. Et on sait donc, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiféré, nous on ne doit pas venir avec. De peur donc de tomber dans l'innovation. Ayyadun billah. Et c'est pour ça qu'il nous dit, en parlant toujours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wala yatakallamu qabla at-takbiri bi shay'in min alfadh an-niyya. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de faire le takbir al-ihram, de dire Allahu Akbar avant de rentrer donc dans la prière, il n'a jamais dit une chose ou prononcé une intention, comme le fait de dire ceci, ou alors je prie la prière du dhuhr, de dire à haute voix, ou alors de dire je prie la prière du asr, etc. Donc de prononcer un niya. Il ne l'a pas fait le prophète saint, la huwa wa la ashab, et ni même ses compagnons. Ni même ses compagnons. Et de même, donc, pour ce qui est de Al-Umrah. Et pour ce qui est du Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a uniquement l'Abba. C'est-à-dire, qu'Allah la bayka umratan wa hajjan. Il n'a pas dit quelque chose avant cela. Parmi donc, Al-Alfaz. Parmi donc, les termes qui vont extérioriser ou alors qui vont être le résultat de la prononciation de la Niyya. de l'intention. Ensuite, il dit بل لما أمر رباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت فكيف أقول قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني رواه أهل السنن والصحة والترمذي ولفظ النسائي إني أريد الحج فكيف أقول قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت وحديث الاشتراط في الصحيحين لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيرا وكان يقول في تلبيتي لبيك عمرة وحجا وكان يقول للواحد من أصحابي بما أهللت وقال في المواقيت مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام الجحفة ومهل أهل اليمن يلملم ومهل أهل النجد قرن المنازل ومهل أهل العراق ذات عرق ومن كان دونهن فمهله من أهله والإهلال هو التلبية فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغيير الأحوال. طيب, donc ici le cheikh, il va nous expliquer, il va nous dire, pour affirmer ce qu'il a cité précédemment et pour argumenter, il va dire que lorsque Rubaa bint Zubair, comme on va le voir un peu plus tard, elle était malade, c'est-à-dire elle se plaignait d'une maladie. Et donc elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il y a bien entendu plusieurs alfaz, plusieurs versions pour ce qui est de ce hadith. Hadith qui est rapporté par Ahl Sunan, les gens des Sunan, Tirmidhi, wa An-Nasa'i, wa Abu Dawud, wa Ibn Majah. Et il a été authentifié par l'imam Tirmidhi. Il a été également authentifié par Sheikh Al-Albani, Rama fi Sahih, Sunan Abi Dawud, wa Sahih, Sunan An-Nasa'i. Wa hadithun, kama qal Hasanun Sahih. ذكروا أنه حديث حسن صحيح واللفظ النسائي et pour ce qui est de la version de l'imam النسائي إني أريد الحج فكيف أقول c'est-à-dire je veux le pèlerinage que dois-je donc dire قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني donc elle est venue voir le prophète صلى الله عليه وسلم elle lui a demandé comment dois-je dire lorsque je veux le pèlerinage le prophète صلى الله عليه وسلم il ne lui a pas dit de dire une expression bien précise ou alors de prononcer son intention Simplement, lorsqu'il a su le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle avait peur de la maladie, parce qu'elle était dans un état fébrile, alors il lui a dit cette dua, c'est-à-dire ce qu'on appelle al-ishtirat, le fait de poser la condition. Al-ishtirat, c'est le fait de poser une condition. Taïb. Donc on dit cette invocation, qui est connue, et qui est la suivante. Comme dans ce hadith, tu dis d'abord, donc il lui a dit de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis d'abord la baik Allahumma la baik, qui ici qui est talbiya. Et ensuite, après la talbiya, Et donc la preuve ici, et ce que argumente Sheikh al-Islam, Wajud Dilala, c'est qu'ici, le prophète Sam ne lui a pas dit de dire une autre expression, ou alors de formuler son intention, uniquement il lui a dit de dire At-Talbiya. Et ensuite cette dua qui concerne ici Al-Ishtirat, le fait de poser donc la condition. Rien d'autre. Donc c'est une preuve qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et si le prophète sallam, il aurait légiféré de dire ou de formuler la niya, alors il l'aurait dit à ce moment-là, ou on l'aurait su dans d'autres hadiths également, mais rien ne nous est parvenu. Donc le prophète sallam, lam yusharri', il n'a pas légiféré cela. Donc on n'a pas à le faire. Et ensuite donc, la baik Allahumma la baik, wa mahalli min al-ardi haythu tahbisuni. Wa mahalli min al-ardi haythu tahbisuni. Wa hadha ad-du'a donc, qui concerne al-ishtirat, c'est-à-dire lorsque la personne, elle est en état de fébrilité, ou elle a peur de la maladie, ou alors du adou, de l'ennemi qui le bloque donc dans la route, il dit donc al-ishtirat wa mahalli min al-ardi haythu tahbisuni et d'autres versions encore qu'on va voir. Donc mahalli, je vais me désacraliser à l'endroit donc où j'aurais été empêché. Donc empêché de continuer la umra ou le hajj, à l'endroit où je serais retenu. Donc c'est comme une condition qu'on pose. Wa mahalli min al-ardi haythu tahbisuni. Tayyib. فإن لك على ربك ما استثنيت C'est-à-dire donc tu auras auprès de ton Seigneur ce que tu auras posé comme condition. Donc Allah Azzawajal prendra compte de cette condition, subhanahu wa ta'ala, lorsque la personne elle l'a dit. Wa hadith al-ishtirat fi sahihain. Et donc ce hadith al-ishtirat, il est dans les deux authentiques. Il est dans les deux authentiques. C'est-à-dire le hadith qui est rapporté par Aisha radiallahu anha, que l'on retrouve donc dans les deux authentiques. Et la version qui est la suivante, Allahumma mahalli haythu habastani. Allahumma mahalli haythu habastani. C'est-à-dire, oh mon Seigneur, je me désacraliserai à l'endroit où tu m'auras donc empêché, à l'endroit où tu m'auras donc retenu, de par ce que Allah Azzawajal aura destiné à cette personne-là. لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره. Donc on voit bien ici l'argumentation de Cheikh al-Islam. C'est-à-dire qu'à travers ce hadith al-ishtirat, le prophète sallam il a dit à Abu Ba'a uniquement de dire al-talbiya et ensuite de dire al-ishtirat. Et avant al-talbiya, il lui a rien dit de dire d'autre. Là, al-ishtirat et rien d'autre. Autre que l'ishtirat. Donc absolument rien avant al-talbiya. طيب وكان يقول في التلبية لبيك عمرة وحجا. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on sait qu'il a été en état de qiran, donc il a rassemblé la umra et ensuite donc le hajj, lui il a dit لبيك عمرة وحجا لبى بالعمرة وبالحج النبي صلى الله عليه وسلم. C'est ce qui est retenu de lui صلى الله عليه وسلم, parce que ça a été son état, ça a été son هذا حاله. Car on a vu auparavant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a saqa al-hadi, c'est-à-dire donc il a conduit le sacrifice avec lui. Et donc il n'a pas pu à ce moment-là transformer sa niya en tamattu'. Bien entendu, tamattu', celui qui est connu dans al-istilah, donc le fait de se désacraliser après la umra. Et on sait donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui est muttafaqun alayh et qui est la parole suivante, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonner à ses compagnons an yathallalu, c'est-à-dire donc qu'après leur umra ils se désacralisent et qu'ensuite donc ils fassent leur hajj, c'est-à-dire donc qu'ils fassent hajj tamattu'an. Il a dit cette parole connue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ustaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtu al-hadi wa la ja'altuha umra walakin labattu rasi wa qallattu hadi wa lam yakun li an uhilla hatta yablugha al-hadi mahilla. Et on sait que le prophète, donc sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si je n'aurais pas à ce moment-là avec moi le hadi, c'est-à-dire donc le sacrifice, je ne l'aurais pas conduit, alors la ja'altu wa umra, c'est-à-dire donc j'aurais fait ma umra et ensuite je me serais désacralisé et ensuite j'aurais fait mon hajj. C'est ça le ma'na. Et vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait son hadi, donc il ne pouvait plus se désacraliser jusqu'à que le sacrifice il arrive à l'endroit où il doit être sacrifié. C'est-à-dire, bien entendu, Yom al-Nahar, le jour donc du sacrifice. C'est pour ça que le prophète sallam, il est resté en Qiran. Et il ne s'est pas donc désacralisé après sa Umra. Donc il a fait sa Umra et son Hajj rassemblé. Sallallahu alayhi wa sallam. De même, pour continuer dans l'argumentation, lorsqu'il demandait lui, le prophète sallam, au compagnon, Bima ahlalta, c'est-à-dire, on sait qu'al ihlal, comme il va nous dire, ou al ihlal ou al talbiya, c'est-à-dire donc al ihlal c'est al talbiya, c'est donc la réponse à l'appel. Tayyib, donc bima ahlalta, wa qala fil mawaqit, donc il posait la question au prophète par rapport à bima ahlalta. Tayyib, de par quoi donc tu as fait la talbiya? Est-ce que c'est par la umra al-hajj, ou d'abord la umra, etc. Et de même pour ce qui était de al mawaqit, comme on l'a vu, lorsqu'il a cité al mawaqit, c'est-à-dire qu'ils doivent commencer leur talbiya et donc le début de leur ihram pour ce qui est de Ahlil Medina, Dhul Hulayfa, il a akhir al-hadith, comme on l'a vu donc précédemment. Et ensuite il dit, فَهَذَا هُوَ الَّذِي شَرَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ التَّكَلُّمَ بِهِ فِي ابْتِدَاءِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. Donc c'est ce que le prophète sallam il a légiféré aux musulmans. C'est-à-dire de parler au début du hajj ou de la umrah par cette talbiya, la bayk Allahumma bi umrah, etc. Wa in kana mashru'an ba'd dhalik kama tushra'u takbiratu al-ihram wa yushra'u at-takbiru ba'd dhalik 'inda at-taghyir al-ahwal. De même donc, talbiya, elle est ensuite mashru' tout le long de l'ihram. De même pour ce qui est de takbiratu al-ihram. Il continue à être مشروع كما تشرع تكبيرة الإحرام ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغيير الأحوال. C'est-à-dire qu'on continue التكبير, le fait de dire الله أكبر, donc on dit الله أكبر au début de la prière, de même on dit الله أكبر ensuite lorsque تغيير الأحوال, c'est-à-dire qu'on passe donc d'une situation à une autre situation ou d'un état à un autre état, c'est-à-dire qu'on passe de l'état droit à l'état de rukou', ou alors on revient de l'état de rukou' à l'état qa'im, c'est-à-dire lorsqu'on est redressé. De même, lorsqu'on est redressé, on passe en état de sujoud. Également, ici, on dit Allahu Akbar. Donc, c'est pour ça qu'il dit wa yushra'u at-takbir ba'da dhalika 'inda taghyir al-ahwal. Non seulement on dit takbir, on dit Allahu Akbar au début de la prière, on rentre dans la prière, mais également après, lorsqu'on change d'une position à une autre position. Taïb, de même pour ce qui est talbiya. Wa law ahrama ihraman mutlaqan jaza. Fa law ahrama bil qasd lil hajj min haythu al-jumla wa la ya'rifu hadha at-tafsil jaza. ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسمي شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه أيضا وفعل واحدا من الثلاثة فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا. Donc il va nous dire également ici le shir. C'est une question qui est importante. C'est-à-dire que la personne, c'est au moment où elle fait son ihram, elle fait un ihram qui est mutlaq, c'est-à-dire qui est absolu. C'est-à-dire lam tu'ayyin, c'est-à-dire qu'elle ne va pas préciser si elle fait la umrah et ensuite le hajj, c'est-à-dire tamattu'an, ou alors elle ne précise pas qu'elle fait en état de qiran, qu'elle rapproche donc la umrah le hajj, elle ne précise pas qu'elle fait uniquement le hajj seul. Law ahrama ihraman mutlaqan jaza. Tayyib, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dire la bayk bi umrah, ou alors elle ne va pas dire la bayk bi umratin wa hajjan, ou alors elle ne va pas dire la bayk hajjan ou la bayk bi hajj, elle ne va pas dire tout cela, mais qu'elle fait uniquement son ihram et qu'elle a l'intention de faire le hajj. Quelle forme du hajj? Elle n'en a pas l'idée, mais elle fait son hajj. Taïb, il dit le shir que cela donc est permis, jaza, et que son hajj il va être compté. Que son hajj donc il sera compté même si elle n'a pas eu l'intention de préciser, donc bien entendu au niveau de sa niya, de préciser quelle forme de hajj elle va faire au moment de l'ihram. C'est pour ça qu'il nous dit فَلَوْ أَحْرَمَ بِالْقَصْدِ لِلْحَجِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَ وَلَا يَعْرِفْ هَذَا التَّفْصِيلِ جَازَ. C'est-à-dire que la personne ne connaît pas les différences qu'il y a entre les formes, mais elle fait au moment d'arriver à l'endroit de l'miqat, elle fait son ihram, elle a l'intention de faire le hajj بِالْجُمْلَ, c'est-à-dire en gros de faire le hajj, elle sait qu'elle doit faire le hajj et qu'elle va donc faire son hajj sans connaître les précisions au niveau des formes, alors cela est permis et son hajj sera compté ensuite. Taïb. C'est pour ça qu'il dit ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قصدا النسك ولم يسمي شيئا باللفظ ولا قصد بقلبي لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حج أيضا. Donc c'est ce qu'il nous dit le cheikh. Cheikh Islam nous dit donc si la personne n'a pas eu l'intention et elle n'a pas désigné donc et elle n'a pas prononcé une des formes du hajj, soit tamattu, la tamattu, ولا إفرادا ولا قرانا صح حج أيضا. C'est-à-dire que son hajj il devient donc authentique. Il est authentique et il est valide. وَفَعَلَ وَاحِدًا مِنْ ثَلَاثًا. Bien entendu, il va ensuite faire une des trois. Il va être obligé, bien entendu, ensuite de faire une des trois formes qui lui sont permises de faire. Donc il en fera une des trois. عَلَى كُلِّ حَالٍ au moment de l'ihram, s'il n'a pas eu son intention et s'il n'a même pas prononcé, et ensuite donc il va faire une des trois formes, cela donc est valable. Et cela donc est valide. Son hajj sera valide. فَإِنْ فَعَلَ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابُهُ كَانَ حَسَنًا. Et bien entendu, s'il va revenir sur le fait que s'il fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ses compagnons de faire, alors cela sera hasan. Ce sera donc une bonne chose de faire comme le prophète il a fait. Et on a vu également auparavant, dans le chapitre dernier, quelles étaient donc les formes qui étaient préférables suivant la situation de la personne, et suivant donc son cas. Ici, une question elle va se poser. Si la personne, par exemple, au moment donc de faire l'ihram, elle a la niya donc de faire al-qiran, donc de rassembler la umrah et le hajj, et qu'ensuite, avant donc de commencer la umrah, avant donc de faire al-tawaf, elle décide de passer en tamattu', c'est-à-dire donc de changer sa niya et de faire un tamattu'. Cela donc, et il me semble qu'on l'avait déjà dit, cela donc lui est permis. Cela donc lui est permis de changer à ce moment-là. Ensuite, il dit, cher l'Islam, وَإِنْ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّي خَوْفًا مِنَ الْعَارِضِ فَقَالَ وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي كَانَ حَسَنًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَ ابْنَةَ عَمِّهِ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّهَا لَمَّا كَانَتْ شَاكِيَةً فَخَافَ أَنْ يَسُدَّهَا الْمَرَضُ عَنِ الْبَيْتِ وَلَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ بِذَلِكَ كُلُّ مَنْ حَجَّ. Il revient ici, cher Al-Islam, à ce qu'on a dit, ce qu'on a appelé donc Al-Ishtirat, qui est le fait de poser une condition de par une dua que l'on dit après qu'on ait dit At-Talbiya, ce qu'on a dit donc la Bayk Umratan, ou qu'on a dit la Bayk Umratan ou Hajjan, etc. On dit donc, il y a une dua à dire ici, qui est ce qu'on appelle Al-Ishtirat, comme on a précisé auparavant, et on a dit quelle était la version qui était présente auprès de l'imam al-Bukhari, l'imam muslim. C'est pour ça qu'il va nous dire que si il pose cette condition devant son Seigneur, de peur donc de ce qui va l'empêcher de continuer sa umrah, ou alors de continuer son hajj, et qu'il dit donc cette dua, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné, fanan nabi sallallahu alayhi wa sallam amara ibnata ammihi, c'est-à-dire la fille de son oncle, et qui est Dubba'atu bint Zubair ibn Abdul Muttalib, an tashtarit. C'est-à-dire de poser cette condition devant son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'elle était bien entendu fébrile, c'est-à-dire qu'elle se plaignait d'une maladie, et qu'elle a eu peur donc que cette maladie l'empêche de continuer son pèlerinage. Il va nous dire le shir, وَلَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ بِذَلِكْ كُلَّ مَنْ حَجَّ. C'est-à-dire que ce n'est pas à tout le monde de dire cela, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas ordonné, et il n'a pas cité à tout le monde de dire cette dua-là. Il l'a uniquement dit dans le cas où la personne, elle a peur de tomber malade, c'est-à-dire qu'elle est déjà en état fébrile. À la kulli hal, qu'elle craint réellement quelque chose. Par contre, la personne qui vient en bonne santé, qu'elle craint rien du tout, cette personne-là, elle n'a pas à faire l'ishtirat. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas ordonné à tout le monde. Mais uniquement, il l'a ordonné à Dubara. Et Dubara, elle était malade, c'est-à-dire kanat shakia. Donc elle était déjà dans un état fébrile, elle était déjà dans un état de maladie. Mais ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsqu'il a su son état, il lui a dit al-ishtirat, il lui a ordonné de dire al-ishtirat. Donc ça, c'est déjà une première question qu'on va voir ici. C'est-à-dire que c'est pas à tout le monde de dire al-ishtirat, mais uniquement dans le cas où on a peur de tomber malade. C'est-à-dire qu'on a quand même des signes qui nous font réfléchir ou penser qu'il y a une grosse probabilité qu'on tombe malade, etc. Taïb. Donc la personne, si elle a dit al-ishtirat, et qu'ensuite il lui arrive un empêchement, que ce soit donc par la maladie ou autre, et qu'elle ne peut continuer de faire sa umrah et son hajj, ou alors sa umrah ou alors son hajj, alors à ce moment-là, tatahallal, c'est-à-dire donc qu'elle se désacralise et elle n'a rien à faire d'autre parce qu'elle a dit l'ishtirat. Taïb. Par contre, la personne qui n'a pas fait l'ishtirat, qui n'a pas posé donc la condition, et qui lui arrive donc un empêchement, qui ne peut terminer donc sa umrah et son hajj, donc cette personne-là, c'est ce qu'on appelle muhsaran. Cette personne, on l'appelle muhsaran. Yatahallal bi umrah wa yathbah shat. C'est-à-dire donc qu'il doit, à ce moment-là, lui, patienter. Il doit patienter, il ne doit pas donc se mettre en état de désacralisation, comme l'a fait la personne qui était ou qui a prononcé l'ishtirat. Donc cette personne-là, elle attend, donc elle est malade, elle attend en état de donc ihram, elle reste en état d'ihram. Et ensuite, une fois donc qu'elle aura la possibilité de continuer son hajj, c'est-à-dire qu'elle a retrouvé la santé, sa maladie, elle a été dissipée, alors elle fait la umrah. Elle doit donc terminer la umrah, et après la umrah, yatahallal, c'est-à-dire après qu'elle a fait sa umrah, elle se désacralise, et ensuite elle égorge donc un mouton qu'il devra donc distribuer aux pauvres. Wayathbah shat, ça c'est pour celui donc qui n'a pas fait l'ishtirat. Yatahallal bi umrah, il doit donc rester en état d'ihram. Et il doit ensuite terminer sa umrah, donc bien entendu lorsqu'il a retrouvé sa santé, lorsque la maladie elle s'est dissipée, il doit ensuite faire donc la Umrah, ou ensuite yadbah shat, et ensuite donc il égorge. Bien entendu, cette personne, celle-là, elle est partie pour faire le Hajj, et que son état de maladie a été grave et qu'elle n'a pas pu faire le Hajj, alors à ce moment-là, son Hajj s'est terminé. Parce que les jours du Hajj, ils sont terminés. Par exemple, comme Arafah, elle n'a pas pu donc venir à Arafah, etc. Donc elle n'a pas pu accomplir son Hajj. Elle n'a pas pu faire l'arkan al-Hajj, les piliers du Hajj. Celle qu'on appelle Muhsaran, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait l'ishtiratel. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit quand même faire une Umrah. Elle doit donc faire une Umrah une fois qu'elle aura la capacité. Elle fait sa Umrah et ensuite il y a Tahallal. Ensuite, elle désacralise. Et après qu'elle s'est désacralisée, il y a Bahshat. C'est-à-dire donc elle doit égorger donc un mouton. Donc une autre question qui va rentrer également ici, une autre question de jurisprudence. Si la personne ensuite, elle a fait cela, est-ce qu'elle doit refaire donc son pèlerinage, ou alors elle doit refaire son Umrah en tant que Qadha, c'est-à-dire Yaqabi. C'est-à-dire qu'ici elle n'a pas pu faire terminer son pèlerinage, ou elle n'a pas pu terminer sa Umrah, est-ce qu'elle doit donc la faire quand même, c'est-à-dire l'année prochaine, min al-'am al-qabil. Ici, il y a plusieurs cas de figure. Si la personne, elle était mutatawwa, c'est-à-dire qu'elle a fait ça en état de tatawwa, c'est-à-dire qu'elle a déjà fait son hajj de l'islam, ou alors qu'elle a déjà fait sa Umrah de l'islam. Donc elle est en état de tatawwa, c'est surérogatoire à ce moment-là. Alors, si c'est en état de surérogation, elle n'aura pas à faire de pèlerinage l'année prochaine. Il ne lui est pas obligé de refaire donc un hajj l'année prochaine, ou alors une Umrah l'année d'après, ou alors une fois qu'elle en aura la capacité. Taïb. Par contre, si c'était une obligation, il était en état d'obligation ici, farban, c'est-à-dire c'était son premier hajj de l'islam, ou alors c'était sa première Umrah de l'islam. Ici, deux cas de figure. Si la personne, elle n'a pas la capacité, alors, par exemple, une personne qui avait la capacité à ce moment-là de faire son hajj, mais qu'ensuite elle n'aura plus la capacité, personne faqir, un pauvre, alors il n'a pas lieu de qada. Il n'aura pas donc à refaire son hajj, jusqu'à que, bien entendu, il aura la capacité. Parce que lui, il restera, bien entendu, toujours obligatoire le hajj une fois qu'il en aura la capacité. Taïeb. Par contre, si c'est une personne qui a la capacité de refaire le hajj l'année prochaine, quelqu'un qui est aisé, qui a les moyens, alors pour lui ça sera obligatoire. Il devra donc refaire son hajj l'année prochaine. Ça deviendra à ce moment-là une obligation qu'il refasse son hajj l'année prochaine, ou alors ça remarra l'année prochaine. Ça donc, c'est pour cette question de jurisprudence. Et c'est pour cette question dans le cas où la personne, il lui a empêché de continuer son hajj pour une maladie ou autre. Bien entendu, suivant les madahib, suivant les écoles de jurisprudence, il y a certains irtilafat ou certains tafasils sur cette question-là. On ne rentre pas dans tous les détails. C'est ce qu'il y a à savoir principalement pour cette question-là. Et pour cette question, pour ce qui est du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam Abu Daoud et qui est un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. C'est-à-dire la personne donc qui va avoir un empêchement et qui ne pourra donc continuer son pèlerinage, فقد حل وعليه الحج من قابل. Donc il devra donc ensuite se mettre en état de désacralisation. فقد حل, il sera donc en état de désacralisation. وعليه الحج من قابل. C'est-à-dire qu'il devra ensuite faire le pèlerinage من قابل, c'est-à-dire l'année suivante. Pour ce qui est de ce hadith, et par rapport à ce qu'on expliquait donc auparavant, hada yuhmal al farida, c'est-à-dire qu'on va comprendre ce hadith pour ce qui est de l'obligation, comme on l'a cité, et pour ce qui est de celui, bien entendu, qui aura ensuite la capacité. Donc, yuhmal al farida, duna tatawwa. Par contre, pour ce qui est de celui qui est mutatawwa, alors il ne rentre pas dans ce hadith-là. Les anna, beaucoup de savants, ils ont compris ce hadith comme étant pour celui qui était dans le cas de l'obligation, pas dans le cas de la surérogation. Wallahu a'lam. Ensuite, il y a pour le shir, wa kadhalik in sha'a al-muhrim an yatatayyaba fi badani fa huwa hasan. C'est-à-dire que la personne ensuite, lorsqu'elle fait son ihram, bien entendu, ici il y a une question qu'il faut savoir, qu'on a déjà cité auparavant, et que beaucoup de gens ne comprennent pas, ou qu'ils ignorent. C'est qu'il n'est aucunement obligatoire lorsqu'on fait ou lorsqu'on passe en état d'ihram. On a vu lorsqu'on passe en état d'ihram, c'est-à-dire qu'on, de par notre niya et de par exemple une parole ou un acte qu'on va faire, il n'est en aucun cas obligatoire de descendre au miqat, c'est-à-dire à la place de la délimitation. Et il n'est aucunement également obligatoire de prier à cet endroit. Il est également aucunement obligatoire de se laver à cet endroit, etc. Il n'y a rien d'obligatoire dans tout cela. C'est-à-dire que la personne, si elle passe en voiture au moment du miqat, et qu'elle a bien entendu auparavant mis les habits qu'elle doit mettre pour son ihram, et on y reviendra dessus, on en a déjà parlé, qu'elle passe en voiture et qu'elle ne s'arrête même pas, qu'elle passe à 100 km/h, qu'elle ne s'arrête même pas au miqat, au moment où elle passe la délimitation, qu'elle dit à talbiya, et de par son intention elle se met en état d'ihram, alors elle est considérée comme en état d'ihram, même si elle ne s'est pas arrêtée au miqat. Ou bien ils croient que c'est une obligation, on est obligé de s'arrêter au miqat, on est obligé de se laver, on est obligé ensuite de s'habiller là-bas, on est obligé de prier, etc. Et en vérité, comme l'ont rappelé les savants, pour ce qui est du prophète sur Salam, on sait que le prophète sur Salam, il est descendu au miqat de l'Médina, d'Al-Hulaifa, et qu'il est resté le prophète sur Salam un jour complet. Mais c'était quoi le but? Parce que le prophète sur Salam, il voulait faire le hajj en compagnie de tous ses compagnons. Et donc c'était pour un rassemblement. Donc il a rassemblé ses compagnons, le prophète sur Salam. C'est pour ça que même qu'il est resté au miqat un jour complet, du dhuhr jusqu'au dhuhr du lendemain. Et qu'ensuite le prophète sallam, il a prié le dhuhr et le asr en voyageur, yani qasaran, il l'a prié donc en voyageur, deux raka'a, et il l'a fait au temps du dhuhr, dhuhr wal asr, et donc en avance. Et ensuite, le prophète sallam, il est parti en direction de la Mecque. Il est resté lui un jour complet, le prophète sallam, et comme l'ont rappelé les savants, c'était pour rassembler les sahaba, pour qu'ensuite ils partent tous ensemble. Taïb. Donc, le prophète sallam, il l'a fait, mais ce n'est en rien obligatoire. Ce n'est donc en rien obligatoire que la personne, elle s'arrête ou qu'elle ne s'arrête pas au miqat. Et le prophète sallam, il l'a fait, donc on a vu quelle était la hikmah de cela, quelle était donc la sagesse de cela. Et même le prophète sallam, donc il est resté une nuit complète, et il a eu des rapports avec ses femmes, et ensuite, donc le lendemain, il y a au matin, il s'est ensuite lavé, le prophète sallam. Mais il s'est lavé de quoi? Il s'est lavé lui de la janaba, le prophète sallam. Il s'est lavé donc pour se purifier de l'impureté majeure. Taïb. Ala kulli hal. Pour ce qui est donc de cette question, elle est inshallah claire. Et ici le shir, shir al-islam, il nous dit, pour celui donc, avant qu'il se mette, ou avant qu'il passe en état de sacralisation, fawa hasan, c'est-à-dire que c'est bien qu'il se parfume. C'est bien donc qu'il se parfume. Et lorsqu'on dit qu'il se parfume, bien entendu, ça repose sur une preuve. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim dans l'ordre authentique. Lorsque Aisha a dit, kuntu utayibu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li'ihramihi hina yuhrim wa lihidhi qablam yatufa bil bayt. C'est-à-dire que Aïcha, elle parfumait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant donc qu'il se mette en état d'ihram. Avant qu'il rentre donc dans l'état d'ihram, juste avant. Également, une précision que l'on doit donner, c'est qu'elle met du parfum sur son corps, sur sa barbe, c'est un homme, sous ses aisselles, etc. Par contre, elle ne doit pas mettre du parfum sur son habit d'ihram. Elle ne doit pas mettre du parfum sur son habit d'ihram. Taïb. Si la personne, elle met du parfum par erreur sur son ihram avant qu'elle rentre en état d'ihram, c'est-à-dire l'habit, lorsqu'on dit l'ihram, l'habit de l'ihram, avant qu'elle rentre dans l'état de sacralisation, alors à ce moment-là, il est obligatoire qu'elle lave l'endroit du parfum. Elle doit le laver. Par contre, si c'est après l'ihram, et bien entendu, c'était involontaire, alors m'afficher. Il n'y a rien donc par rapport à cela. Et quelle est la preuve? Lorsqu'on dit il n'y a rien par rapport à cela, car il y a une personne qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui portait donc un manteau et qui s'était également mis du parfum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, lorsqu'il l'a vu, il lui a dit d'enlever ces choses-là et de continuer donc ce qu'il doit faire pour la umra. Sans rien, il n'y a ni dire d'autre. Pour ce qui est de ce hadith, l'ab, donc un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim dans l'ordre authentique, hadith muttafaqun alayh, hadith Ya'la ibn Umayya, anna rajulan ata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa bil ju'arrana, il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et il était donc à cet endroit, Al-Ju'arrana, comme on l'a vu auparavant. Qad ahalla bil umra. Donc lui, il a fait son ihram en tant que umra. C'est-à-dire qu'il a fait son ihram et sa niya, c'est de faire l'umra. Wa huwa musaffir lahiyatahu wa ra'sahu. C'est-à-dire que sa lahiya, que sa barbe et sa tête sont jaunes bien entendu, du parfum. Wa alayhi jubba. Et il avait donc un manteau. Faqala ya Rasulullah. Inni uhrimtu bi umra, c'est-à-dire donc j'ai fait mon ihram pour la umra. Wa ana kama tara, et je suis comme tu me vois. Faqala inza anka al-jubba, c'est-à-dire donc enlève donc ce manteau, car on sait que le manteau ça fait partie des vêtements qui sont interdits lorsqu'on a un tas d'ihram et tous les autres vêtements qui sont mufassal. Waghsil anka as-safra, et nettoie de toi donc as-safra, c'est-à-dire le jaune que tu as. Wa ma kunta sani'an fi hajjik fasna'hu fi umratik, et ce que tu faisais durant donc ton hajj, alors fais-le durant ta umra. Donc le prophète sallam il a rien dit d'autre de faire, uniquement cela, d'enlever le jubba, donc le manteau, et de nettoyer ce qu'il avait sur lui, c'est-à-dire sur son corps, que ce soit sa lahya et que ce soit donc sa tête. Ça donc c'est pour ce qui est de la preuve que l'on fait uniquement cela lorsque la personne a été touchée par le parfum. Ensuite il dit wala yumar al muhrim qabla al ihram bidhalik. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم يأمر به الناس ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة وهو تأويل قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وثبت عنه في الصحيحين أنه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهذا على قراءة من قرأ فلا رفث ولا فسوق بالرفع فالرف اسم للجماع قولا وعملا والفسوق اسم للمعاصي كلها والجدال على هذه القراءة والمراء في أمر الحج فإن الله قد أوضح وبين وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في الأحكام. À la kulli hal, on va terminer ici, inshallah, ta'ala. On continuera donc vendredi prochain. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.